Les bâtisseurs de l'avenue de Myon à Pyongyang s'efforcent pour faire promouvoir énergiquement la campagne de 200 jours. Ils ont achevé le 30 juillet l'ossature de l'immeuble à 69 étages, le plus grand projet de construction de l'avenue. Ainsi, les travaux de construction des ossatures de plusieurs dizaines de gratte-ciel, tours et bâtiments à plusieurs étages sont tous terminés pendant un peu plus de 3 mois.